salut tout le monde, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir à chaque semaine de vous rencontrer, de vous offrir comme ça 2 heures de musique franco-canadienne. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai de préparé pour vous? J'ai du Suroît, du Colin Power, l'album la semaine, Loïc Morin, son album Citadelle. On va entendre également du Monette, du René Ray. J'ai également en instrumental Marie-Véronique Bourque ainsi qu'Alexandra Strelitzky. J'ai du Cristal Plamondon, du Zaza Finger ainsi que du Beau Séjour. Donc un 2 heures de musique franco-canadienne juste pour vous sur les ondes de votre radio francophone préférée au pays. Restez là, je vous reviens bien sûr dans quelques secondes avec le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes. Et comme à l'habitude, en début d'émission, j'aime remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci. Merci au directeur et directrice de programmation des stations suivantes, CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chitika, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, CJPN Fredericton, CHQC Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Merci bien de diffuser l'émission, commentaires, suggestions, mais contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. On va débuter avec l'émission, le bloc des Maritimes, bien entendu, sur la compilation Acadie Racine, Pays sans frontières, sur le 2e CD. Il y a une chanson de Isabelle Roy qui faisait partie à l'époque du groupe Beau Soleil Broussard. Et elle a fait une carrière solo et je pense que c'était son premier ou son 2e album. On retrouvait la chanson Barbarie. Vous allez voir, très belle plage, très belle voix. Donc c'est la chanson Souvenir qu'on va entendre cette semaine. Par la suite, on va entendre Suroît qui, eux, seront de retour en Normandie, plus précisément à Courseuil-sur-Mer, au mois d'août prochain. Ils seront là dans le cadre de la semaine acadienne. Donc, ça va sûrement brasser. Le monde va avoir beaucoup de plaisir, ça c'est certain. De Suroît, on va entendre la pièce « Si l'amour prenait racine ». Très, très belle chanson, vous allez voir. C'est aussi un très beau souvenir. Mais pour l'instant, Isabelle Roy, « Barbarie ». Suis-je passé? J'ai le droit devant. J'ai dû m'égarer, tomber de mon temps. Je me suis éveillé avec toi piégé au pays guet-apens de l'amour géant. Et nous dans ce pays de bas. We'll

j'en ferai part à mes amis qui n'en ont point. Ah, si l'amour prenait racine, dans mon jardin j'en planterai. Ce roi, si l'amour prenait racine, salut les boys, hein, Félix, Harry Paul et toute la gang de Sur Roi, des gars fort sympathiques qui font d'excellentes musiques et c'est toujours un plaisir de les croiser. Malgré que là, ça fait une petite couche que je ne vais pas croiser Sur Roi. Il faudrait bien voir si on peut les rencontrer un moment donné et les saluer, bien sûr, en personne. On va poursuivre en musique, si vous voulez bien, avec Colleen Power, la pièce « Heureuse, mais pas riche ». Donc, et ça veut dire que dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. L'argent ne fait pas le bonheur tout le temps. Donc, on va écouter cette pièce-là. Colleen Power, qui au mois de mars et avril va se promener dans la région de Saint-Jean à Terre-Neuve. Donc, si vous allez à Terre-Neuve au mois de mars ou avril, surveillez les bars, les bistrots, les pubs. Vous allez sûrement croiser Colleen Power qui va faire quelques spectacles. Donc, on va entendre « Heureuse, mais pas riche ». Par la suite, on va entendre, ah oui, Same Old, Same Old. Vous allez sur ma page Facebook de CanRock, CANROCK, et vous allez voir le clip de la chanson, le clip officiel de la chanson Same Old, Same Old de la formation Les Hey Babies, qui prépare un lancement, je pense, c'est à la mi-mars que ça devrait être lancé, ce nouvel album-là. Donc, j'ai bien hâte de le recevoir, de l'écouter et de le partager avec vous, bien sûr. Pour l'instant, Colleen Power, heureuse, mais pas riche. Je voudrais un piano et plus d'espace. Mes vacances à Cuba, du vin rouge et un spliff, des bonnes vies pour les gens de maison et les pauvres artistes. Je voudrais être heureuse, pas riche, pas riche. Je sais que l'argent peut acheter quelque chose. Achète-moi un piano. Sont payés. Je veux que tu sois heureux, pas fâché. Je voudrais être heureuse, pas riche, pas riche. Comment nous l'avons fait aux années 80. Thank you. Quand tu fais ah, ah, ah, ah. On est arrête de virer des coins en rang. Si t'aimes pas ta vie, you'll never mind, t'es stop ou rewind. Si tu veux, va le chercher, y'a rien du temps qui t'est donné. Y'a rien qui existe et qui se laisse pas avant que quelqu'un l'a créé. Your wish is your command, so quand tu projectes, tu vas la tirer. Your wish is your command, quand tu projectes, tu vas la tirer. Tu viens ici. Ce que vous venez d'entendre, c'est la chanson thème de la deuxième saison des Newbies. La musique est écrite par Antoine Graton. Plusieurs artistes acadiens s'y retrouvent dans ce vidéoclip-là que vous pouvez voir sur ma page Facebook de Canrock. Il y a entre autres Laurie Leblanc, il y a Raphaël Buckler, Caroline Savoie, Roland Gauvin, Pierre Robuchaud et bien d'autres. Donc allez voir ça, c'est vraiment phénoménal comme clip. C'est vraiment, j'adore ça, c'est vraiment un très beau clip. Et bien sûr, les Newbies. Qui sont les Newbies? Bien, c'est une émission qu'on peut voir sur Unitv, qui met entre autres en vedette Luc Leblanc, il y a Christian Essence et André Roy. Et ça parle de comédiens, d'humoristes en Acadie. C'est vraiment drôle. J'avais bien aimé la première saison. Il va falloir que je me mette à écouter la deuxième. Vous pouvez même voir ça sur unitv.ca. Donc, allez voir, c'est vraiment très, très, très drôle. Donc, très bonne chanson également. Parlant de belles chansons, on va écouter « Embrasse un miroir » pour terminer le bloc des Maritimes. Lorsque j'ai rencontré les gars dans le shed, on me disait qu'ils travaillaient avec justement Émilie Landry pour son prochain album. Et il y a un premier extrait qui devrait arriver au mois d'avril, donc c'est à suivre. Pour l'instant, Embrasse un miroir, Émilie Landry. J'ai passé de belles soirées avec toi et ton ego. On s'est bien éclaté, mais je crois que je t'aide trop. Dans ce ménage à trois, hors de l'ordinaire. C'est qui tu préfères? Je sais que tu t'aimes bien. Embrasse un miroir, barre-toi dans les yeux qui me font croire du noir. Fais-toi l'amour en grand solitaire au centre de l'univers. T'as les mains pleines et tu sembles déjà tout avoir. Je ne voudrais pas interrompre une si belle histoire. Le temps que je suis là, tu pourrais en prendre avantage. Dis-toi que je suis seulement de passage. Je sais que tu t'aimes bien. Embrasse un miroir, barre-toi dans les yeux qui me font voiler du noir. Fais-toi l'amour en grand solitaire au centre de l'univers. Oh, oh, oh, oh. Je ne veux surtout pas casser l'ambiance en faisant acte de présence. Si tu veux, je peux partir. J'ai laissé ce que tu désires. Ah, oh, je le sais ce que tu désires. Je sais que tu t'aimes bien. Embrasse un miroir, perds-toi dans les yeux qui me font croire.